ce que je dis, c'est qu'avec sa sensibilité, avec ta sensibilité, les problèmes psychologiques, l'insécurité, toute la tête qui a été mise sur sa personnalité pour l'affaiblir le plus possible, pour former le canard, s'il n'y a pas de travail, lui, n'importe qui voit. Autrement dit, si Michou pas de travail, lui qui a pas de travail, n'importe qui peut pas de travail. Parce que nous autres, on a été donnés les chasseurs, c'est un exemple. C'est un bon exemple, chef. Bonne personnalité, bonne intelligence, équilibre psychologique. Si lui parle, lui a pas. Elle a pas. Comment tu veux dire? C'est ma façon de voir les choses. Parce qu'il y en a qui sont devenus des personnalités qui sont. C'est tout choisi. Moi, j'ai un de mes amis, il était donné une personnalité. Là. Tu peux rien faire. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas compter. Il ne peut rien faire. Avec les gars qui s'en est bon un coup pendant 40 années, sa vie. Quand toutes ses jambes, ses chums, c'est des ingénieurs, des architectes, des avocats. Il n'est pas capable d'écrire. Ben, chaque fois qu'il se rencontre, comprends-tu, ils ont toujours un petit job. 8 heures d'écrit dans ton nom, il n'est pas capable. Les gars, vite. Mais ils ont formé un canal avec lui, tellement puissant que j'ai vu ce gars-là changer des vibrations d'un professeur à l'église à l'université. C'est où le professeur qui rentre chez eux? Il rentre chez eux. Parle-moi dans le temps. Parle-moi dans le temps. Parle-moi dans le temps. C'est ça, je dis tout le temps, même si vous êtes croche, les failles dans vos personnalités, comme on disait avant, les failles, ils sont nécessaires. C'est pas là qu'ils parlent. Mais quand tu es inconscient, tu souffres ta faille. Quand tu deviens conscient, tu t'aperçois que c'est un outil qui se fait. Tu aperçois la faille, elle se remplit, puis t'en as plus de faille. Éventuellement, mes choux, il n'y en a plus de faille. Il verra ça. Faut qu'on en vienne tout à ça. Et qui c'est qui va nous dire, c'est ouvert pas notre ego? Notre ego, il est pogné dans la faille. Et on est accroché dans notre fil d'arbelé. Puis on s'égratigne tout le temps. On s'égratigne, on s'égratigne. On essaye de tirer le fil d'arbelé là-dedans. On s'égratigne pareil. Si le travail est commencé de longue date, ça commence quand on est jeune, ça commence. Quand tu arrives à 20 ans, tu te regardes, tu n'es pas regardable. Tu arrives à 30 ans, tu es encore moins regardable. 40 ans, tu commences à perdre le, souffle. Lui, il est accroché à terre. Comment ça va? C'est chou. Il est accroché à temps. Juste à temps. Juste à temps. Parce qu'au but, il est au bout. Bien non mis. Lui, il se voyait tout en envers. Tout en envers. Il commence à savoir un endroit, puis sa femme commence à savoir un endroit. Là, c'est non. C'est non. On est tous pareils, il n'y en a pas un. On parle d'obus, mais c'est bien l'obus dans le monde. On est tous des obus. Il ne pas qu'on explose, on est pareils. C'est pas facile pour un homme de son âge. Pour les jeunes, c'est facile d'accepter tout un champ. Les gens de 40 ans, là, vous, lui, lui, moi, je vous regarde. C'est quand je regarde des gens âgés que je sens l'amour en moi. Pas les jeunes, les jeunes. Mais c'est quand je regarde des gens âgés, là, c'est là que je sens l'amour qui descend. Et comment ça demande la grande humilité? dis pas si j'étais un grand frère, ben, du grand, des grandes, une grande barbe blanche, une grande. Là, c'est normal. Hey, le fait que t'as une barbe blanche, tout le monde t'aime, tout le monde t'accepte, tout le monde. Et quand c'est un jeune moineau de quelques années, là. Il se pourrait avoir 80 ans pour parler avec tout le monde. Pour se pourrait ne pas être un grand ans. Ben, ça prend beaucoup, ça prend beaucoup. Mais tu aurais pu le résumer sur un papier en gros plus petit. Parce que quand tu es sûr d'être sûr, quand tu es sûr d'être sûr, tu peux écrire sur un morceau de papier. Je suis sûr d'être sûr. Ça, ça contient. Ben, c'est vibratoire, bien sûr, bien sûr. C'est pas psychologique, c'est vibratoire. Ben, ça arrive à faire avec la connaissance. C'est purement vibratoire. Quand t'es sûr, bien sûr, ça veut dire que t'as une confrontation entre ton esprit et un autre esprit. Soit sur le plan humain ou sur l'autre plan, tu ne le dis pas. Bien sûr, c'est jamais vibré dans ton esprit. Quand un autre esprit est confronté à un autre esprit. Ça, c'est la définition la plus absolue que je peux obtenir d'être sûr d'être sûr. Hein? La même définition, ça m'a donné comme une fois que tu détruis dans l'instantané. Dans l'instantané. Exactement. Exactement. Exactement. Je peux pas le dire mieux que ça. Tu détruis une forme dans l'instant. C'est par l'ego, quoi. Une vie, souvent, c'est l'ego qui le fait. Quoi? Qui détruit la forme, qui aide à détruire la forme. La forme, elle se détruit par elle-même. Moi. C'est par quand il me plaçait à une dame du réalisme, qui a du réel, la détruit. C'est vibratoire. Ouais. De oui, j'ai eu des expériences dans ma vie, ma petite fille, là. Des expériences où des êtres de lumière sont venus dans mon appartement. Puis, hey, qu'à les voir, j'ai dit, partait. Ils venaient, ils partaient. Ou ils venaient, puis ils restaient. S'ils restaient, c'était ça. S'ils partaient. Le combat de la lumière contre les ténèbres. Ça part. Ça part. Ils peuvent pas rester. Ils ne peuvent pas rester. Tu sais, les hommes en noir qui faisaient des têtes, là. Ouais. J'en ai eu 14 manifestations d'hommes en noir. Ils viennent devant moi et ils fondent. Ils fondent. Toujours. Mais la vibration est ici. Parce que quand tu es sûr d'être sûr, tu n'as aucun effort à faire. La seule position que tu as, c'est dans ton esprit. Alors, s'il y a une manifestation qui vient de l'extérieur vers ton esprit, C'est à la manifestation de se manifester à ton esprit et non à ton esprit de forcer la compréhension de la manifestation. C'est toujours à la manifestation de te faire une salutation. Tout le temps, la manifestation à te faire une salutation. Si la manifestation ne peut pas te faire de salutation, elle est obligée de disparaître. Elle ne peut pas soutenir la vision de ton esprit. C'est là que tu le sais. Tu comptes? C'est inférieur à soi. Quand tu es dans ce que tu vois, c'est logique. Mais le logique que j'entends, ça va pas partir bien. C'est comme si elle est. C'est logique parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sensibilité. Ça, on dirait que ça fait partie d'une autre planète. C'est ça. On dirait que c'est en accord avec ça, là. Mais pareil comme je dirais fort là dans. Comment ça s'appelle là? Bon, la logique qu'il y a le plus petit quand. Puis c'est souvent, ça m'arrive maintenant. C'est logique. Mais pas quand ça fait partie de l'intérêt. Ah ouais, ah ouais, c'est ça. Ça fait partie des lois. Ça fait partie des lois. C'est une loi universelle. Une loi universelle. Ça m'a assez surpris parce que ça fait une des petites semaines, à chaque fois que dans l'intérieur de moi, on me parle parce que. Pour dire que les questions, je n'ai pas. Vraiment, c'est une grande galère. J'ai une des réponses des. Puis, sur ce point. Parce que là, c'est toujours plus logique. Mais si ça n'emballe pas, c'est ça. Ça me met plutôt réaliste. Comment ça arrive, la vibration du mot un peu lent? C'est d'autres choses que je perçois. C'est l'amour, la vibration de l'amour. Michel, je l'aime bien, j'aime bien tout le monde. Mais Michou, je l'aime de l'autre façon. Tu regardes une personne, tu l'aimes d'une façon, une personne, tu l'aimes. Il y a comme un amour là, qui est neutre. Mais Michou, c'est une autre vibration. C'est beau pour comment tu dis ça, parce que chaque personne est individuelle par rapport à sa mère différemment l'un de l'autre. Nous appelons ça une mère. Mais quand tu vois qu'elle en sort, ouais. Qu'elle n'est plus dedans, qu'elle est ouais. Dehors, ouais. C'est ça l'amour. Pour ça que l'autre, va, s'il sort d'un. Je peux pas l'expliquer, ça. Je comprends ce que tu veux. C'est comme l'amour du père à l'enfant prodigue. C'est comme l'amour dirigé à une personne qui aurait pu facilement avoir ça. Moi. Ouais. Parce que l'amour, quand t'es conscient, l'amour, quand t'es conscient, c'est pas un amour qui part de ton ego. C'est un amour qui vient d'en haut. Pis... Autrement, C'est comme si ça te lie encore plus fort à cette personne-là. Parce que la chance d'avoir passé à côté est plus grande. C'est un lien. C'est un lien. Exactement. Ça fait pas longtemps que je lis ce lien-là avec les choses. Ça fait depuis la fois que j'avais échappé le verre par raison. Ah Parce qu'il dit que quand tu commences à aimer une personne, c'est pas mal. Quand tu commences à aimer une personne particulièrement, ce qui se produit, c'est que tu commences à sentir la personne. C'est ça qui fait que tu fais l'expérience de cet amour-là, de cette libération. Comment j'appelle ça une beauté? C'est la beauté, là. Il y a une beauté là-dedans. Il y a de la beauté là-dedans. Définitivement, là. Parce que c'est pas toi qui fais que tu fais rien, mais tu vois l'autre dans sa beauté. Il y a passé juste comme ça. C'est là que tu sens la beauté dans l'eau. Et plus on est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est à l'écoute de toi. C'est là qu'on commence à être conscientisé. Ça fait partie de comme les qualités, les défauts. On est porté de l'autre genre. Ben non, on ne prend jamais qualité. L'ego ne prendra pas ça. Mais par exemple, un défaut, tu passes bien. Donc, tu vas te choquer, mais une qualité, ça, c'est plus difficile à observer quelqu'un qui. Moi, je disais quelqu'un que si les valeurs connaissaient leurs valeurs, les qualités pourraient l'accepter. C'est comme un compte facile. Parce que les qualités, les défauts, en fait, il y en a. C'est que. Ça fait partie du doute de soi-même. Aussi longtemps que tu vas douter, parce que tu n'es pas à l'écoute de toi, aussi longtemps que tu vas douter de toi-même, ça, c'est là que où se font les qualités et les défauts qui ont un cœur énorme. Un peu ça à l'Oélie, qui n'est plus. Ça n'existe plus, ça. Parce que tu es en protection de toi-même. Tu es en. Ça, tu ne débutes seul. Mais moi, là, je parle de ça parce que moi, je suis en train de découvrir. On découvre. Ça, on découvre. Ouais. Alors, non, non, non, sauf que l'eau. J'ai demandé à ma fille, j'ai dit quand est-ce qu'il m'a parfaitement heureux, t'es en 84. Je sais que ma wife finit les séminaires. C'est une chose. Mm-hmm. Tu vois, payer tout le monde pour avoir un meilleur travail. C'est comme un seul de la fin. Ouais. Alors, ça va s'en faire écrire dans les livres. Qui ne chamballe pas parce que souvent, quand il y a des grands cycles dans des vies de change, souvent il chamballe de la patente pour voir ce que ça change. Le début de l'initiation, autant il était aussi difficile que la fin pour moi aussi. J'avais la 1984 que j'y passe comme un petit moineau. Bon, moi, je suis calme, je suis pris, mes nerfs sont là. On s'en respire. Ce qui est difficile pour le, ce qui est difficile pour l'homme, c'est le mystère de la les enfants, le mien est tellement grand. C'est opaque. C'était pas opaque, mais là, c'est plus facile. C'est vos packs de wood. Sans ça, les gens font de l'overtime ou ça vos packs. Ils sont obligés de garder des webs, puis garder des webs, puis suivre des webs. Parce qu'on a une tendance naturelle à spiritualiser tout. Naturelle. Très forte. On spiritualise tout. Moi, je sais que c'est totalement... La conscience, eux, c'est brutal dans son intelligence ou dans sa science. C'est brutal dans sa science. Parce qu'on a été inculqué pendant 12 millénaires des concepts. 12 000 années. L'expérience réelle, l'expérience psychologique, c'est bien différent. L'expérience réelle et l'expérience du décret mental, c'est deux phénomènes. Dans le réel, tu tombes sous les lois de la terre. Quand tu es dans l'expérience du mental, tu tombes sous les lois de l'univers. Donc, il ne faut absolument pas d'émotion pour le retardataire pour rentrer dans le réel. Sans ça, tu ne peux jamais passer. Le courant passe pas. Regarde quoi ce qui s'appelle Fernand Lévesque. Il est en combat. Là. Il est en combat. Jusqu'à temps qu'il lâche prise. Il est toujours t'en vas voir, jusqu'à temps que grand fou. Ah, fou de haute. Ouais, parce qu'il est trop dans, il est trop dans la spiritualité de sa conscience astrale. Il faut que ça pète. Il faut qu'il en sorte complètement. C'est pas facile pour lui parce que c'est à travers ça qu'il est divin du monde. C'est à travers ça. C'est lui-même spiritualisé sa réalité. C'est à travers ça qu'il a connu les aspects intérieurs de sa conscience. C'est pas facile. On dirait que tous les gens sont donnés. On dirait que plus les gens sont donnés de facultés, plus c'est difficile. Les gens qui n'ont pas de facultés. Un exemple comme elle, là, puis Gilles, mon frère. Les gens qui n'ont jamais eu d'expérience au niveau extrasensoriel, au niveau interne, au niveau astral. Les gens qui sont rentrés dedans parlent de truchement des événements. Alors, tout le matériel pour eux autres. Ça s'applique simplement au niveau de la psychologie. Mais tout le reste, pour eux autres, ça n'existe pas. Des souffrances, à ce niveau-là, ils n'ont pas. Peut-être dans tout le monde que je connais, eux autres qui ont des vies les plus simples, les plus plaisantes, les plus fun, les plus doucereuses. Tu regardes la binette, il n'y a pas l'air d'un gars que ça, puis il n'y a pas l'air d'un gars qui a vraiment souffert. Il est tout le temps le même, il était le même au séminaire, puis il est le même jusqu'au aujourd'hui. Fait que tu vois que les gens passent par différents types d'expériences, puis ça amène tout au même. Regarde la fin, pareil. Lui, son expérience n'est pas facile parce qu'il y a eu, il y a eu toute une accumulation de formes dans sa vie au début. Qui arrive petit à petit à dépasser. D'abord, nos changements ne se font jamais instantanément. Ils se font graduellement. Jusqu'à temps qu'on sente une certaine densité. Sans laisser une certaine densité. Jusqu'à quel point la densité peut être illusée pour défaire chaque individu. Bonjour, je vous demande. demander quelque chose, mais je ne devrais peut-être pas te la demander parce que tu ne répondras pas. Je ne demande pas un renseur de faire des causes à ma santé. Ce qui m'était venu, c'est si tu n'utiliserais pas de demi-vérité. De façon à nous faire passer d'une certaine étape. Au début, ça pourrait utiliser des demi-vérités plutôt que d'y aller carrément avec la réalité. C'est quoi la question? Première chose que tu as dit, c'était la réalité pure ou si c'était des demi-vérités pour ensuite en venir à une vérité complète, une réalité complète. Je travaille jamais au niveau de la vérité. Je travaille, je me sers des mots pour détruire des peurs. Puis, je vais détruire les femmes jusqu'à un certain niveau, parce que je ne peux pas détruire toutes les femmes tout de suite. Ce que je vais faire, je vais parler comme d'incinère, je parle de destruction des femmes, je parle d'un corps général. Je suis d'attendre un certain moment avant que je puisse détruire les femmes un petit peu plus. Et sans ça, les gens... Il y a des personnes qui ne pourraient pas voir ça à côté. C'est bien exact. Au début, tu as commencé, même avant que les similaires, à dire que l'homme pense tout. Ouais. Utiliser ce moyen-là pour nous faire. Prendre conscience de quelque chose, mais je soupçonne que tu en viens à dire que l'homme pense réellement, mais pas d'une façon astrale, mais d'une façon que nos pensées, ce serait notre être parfait, notre être total. C'est la pensée. Par exemple, si je pourrais dire un jour que je suis mon existence, ou je suis l'existence, au lieu de dire que je suis l'ego. Oui, mais l'homme a un existence, pensé. Mais est-ce qu'on ne devient pas? Non, il fusionne avec notre âme, l'existence. L'ajusteur de pensée est dans la lumière, puis l'ego est dans la matière. Puis le plan dont se sert l'ajusteur de pensée pour fusionner, c'est le plan de l'art. La réalité de l'homme, c'est son âme, son ego. L'ajusteur de pensée, c'est la force, c'est l'intelligence, c'est le principe universel, puis dans la lumière. Il connecte avec l'âme. Descend au niveau de l'ego ou la manifestation des régions de la volonté ou de l'amour. Et l'âme, c'est le point de connexion. L'ego, lui, quand il est inconscient, il pense qu'il pense parce que l'ego n'est pas conscient de l'âme. S'il pense qu'il pense, automatiquement, les pensées, le fait qu'il pense, donne à la pensée une qualité ou une couleur qu'on appelle la pensée subjective, qui mène au rationalisme. Si l'ego est mis

C'est la nature même de l'universel d'informer les plans intérieurs. C'est un plein passé. C'est pas une patate, moi, ici. Je suis pas avec un corps physique, puis des émotions comme part, puis d'un mental comme part. Faut que ça fonctionne, faut que ça vive, cette émotion-là ou ce mental-là. Alors, le mental, quand tu l'as, puis c'est que tu passes, c'est de la communication. Sans ça, tu seras dans le vide tout le temps. C'est bien beau être dans le vide, tu vas te poser, mais à un certain moment, tu veux savoir ce qui se passe en France, tu lui demandes, puis il te le dit. Parce que, il y a une activité de l'esprit, ici, qui se passe. Pas dans les terres, je sais.